ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit, c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Michael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Sixième émission. La première image du film montre une porte d'entrée qui s'entrebâille. Il fait nuit, se referme et se rouvre. Un petit garçon déboule, s'arrête, indécis. Blouson orange, casquette à rabat sur les oreilles, clignant des yeux. Puis un autre, plus petit, encapuchonné dans un anorak bleu avec de la fourrure blanche. Le plus grand s'agite. Le petit reste pétrifié, les yeux fixes, à croire que le film s'est arrêté. Une femme entre à son tour, dans un long manteau cintré marron dont la capuche lui dissimule la tête. Elle porte dans ses bras deux cartons superposés d'où dépassent des produits alimentaires. Elle repousse la porte avec l'épaule, disparaît du champ, reparaît sans les cartons, en train d'enlever son manteau qu'elle accroche à un porte-manteau dit « perroquet ». Se tourne vers la caméra avec un sourire rapide, baisse les yeux, éblouie par la lumière vive de la lampe de magnésium. Elle est presque maigre, peu maquillée, en pantalon karting marron, collant, sans braguette, pull à rayures marron et jaune. Les cheveux mi-longs, châtains, sont retenus par une barrette. Quelque chose d'ascétique et de triste ou désenchanté dans l'expression. Le sourire est trop tardif pour être spontané. Les gestes traduisent la brusquerie ou et la nervosité. Les enfants sont de nouveau là, devant elle. Tous trois ne savent pas quoi faire, bougeant bras et jambes, groupés face à la caméra que, accoutumés à la lumière violente, ils regardent. Visiblement, ils ne disent rien. On dirait qu'ils posent pour une photo qui n'en finit pas d'être prise. Le plus grand des garçons lève le bras et fait un salut militaire grotesque, lèvres grimaçantes et paupières fermées. La caméra saute sur des éléments du décor ayant une valeur esthétique et marchande, définissant un goût bourgeois, un coffre, une suspension en opaline. C'est lui, son mari, qui a filmé ces images quand elle rentrait des courses avec les enfants, ramassés après l'école. L'étiquette sur la bobine du film a pour titre « Vie familiale 72-73 ». C'est toujours lui qui filme. Dans le grésillement du projecteur, se voir pour la première fois marcher, remuer les lèvres, rire muettement sur l'écran déplié dans le living, décontenançait. On s'étonnait de soi, de ses gestes. C'était une sensation neuve, sans doute analogue à celle des gens du XVIIe siècle quand ils s'étaient vus dans un miroir, ou des arrière-grands-parents devant leur premier portrait en photo. On n'osait rien dire de son trouble, préférant regarder les autres, parents, amis, sur l'écran, plus conformes à ce qu'ils étaient déjà pour nous. Entendre sa voix au magnétophone était encore plus terrible. On ne pourrait plus jamais oublier cette voix que les autres entendaient. On gagnait en connaissance de soi, on perdait en insouciance. Dans la façon de s'habiller, de porter un débardeur et des sabots, des pantalons pattes d'éléphant, de lire le Nouvel Obs, de s'indigner contre le nucléaire, les détergents dans la mer, d'admettre les hippies, on se sentait ajusté à l'époque. D'où la certitude d'avoir raison en toutes circonstances. Les parents et les plus de 50 ans étaient d'un autre temps, y compris dans leur insistance à vouloir comprendre les jeunes. Nous tenions leurs avis et leurs conseils pour pure information. Et l'on ne vieillirait pas. Les soirs d'été, au début des années 70, dans l'odeur de la terre sèche et du thym, les convives rassemblés autour de la grande table de ferme achetée 1000 francs à peine chez un brocanteur, deux brochettes et d'une ratatouille niçoise, il fallait penser aux végétariens, qui ne se connaissaient pas entre eux, Parisiens retapant la maison d'à côté, routards de passage, adeptes de randonnée et de peinture sur soie, couples avec et sans enfants, hommes broussailleux, adolescentes en sauvagés, femmes mûres en robe indienne, après un début réticent malgré le tutoiement instauré d'emblée, les conversations s'engageaient sur les colorants et les hormones dans les aliments, la sexologie et l'expression corporelle, l'anti-gymnastique, la naissance sans violence, l'homéopathie et le soja, l'autogestion et l'IP, René Dumont. On s'interrogeait s'il était préférable d'envoyer ses enfants à l'école ou les éduquer soi-même. Toxique d'utiliser de l'Ajax pour récurer, utile de faire du yoga, une thérapie de groupe. Si les femmes devaient réclamer l'égalité avec les hommes ou l'égalité dans la différence. On passait en revue les meilleures façons de se nourrir, de naître, d'élever les enfants, de se soigner, d'enseigner, d'être en harmonie avec soi, les autres, la nature et d'échapper à la société. De s'exprimer, poterie, tissage, guitare, bijoux, théâtre, écriture. Un immense et vague désir de créer flottait. Tout le monde se réclamait d'une activité artistique ou projetait d'en avoir. Il était convenu que d'une façon ou d'une autre, tout se valait et, à défaut de peindre ou de jouer de la flûte traversière, il restait la possibilité de se créer soi en faisant une psychanalyse. Tandis que les enfants, couchés tous ensemble dans la même chambre, s'en donnaient à cœur joie de sottises multiples, malgré l'ordre proféré pour la forme de ne pas faire le souk, qu'on buvait la goutte du paysan d'à côté, invité seulement à l'apéritif, les discours évoluaient vers les interrogations sexuelles rêveuses. Est-ce que nous étions hétéros ou homo? Les aveux, le premier orgasme. Se retrouver ce soir d'été entre individus sans lien, loin des repas familiaux et des rites dont nous avions la détestation, donnait le sentiment exaltant de s'ouvrir à la diversité du monde. On se sentait redevenu adolescent. Quelqu'un commençait à jouer de la guitare, à chanter « Comme un arbre dans la ville » de Maxime Le Forestier et d'Hermé Negrito d'Equila Payoun. On écoutait, les yeux baissés. On allait dormir au petit bonheur sur des lits de camp dans l'ancienne magnanerie, ne sachant pas s'il valait mieux faire l'amour avec son voisin de droite ou de gauche, ou rien. Le sommeil nous prenait avant d'avoir décidé, euphorisé et conforté dans la valeur d'un style de vie dont on s'était offert toute la soirée à nous-mêmes le spectacle, loin des beaufs, entassés dans des campings à Merlin-Plage. C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Elle ressent son métier comme une imperfection continuelle et une imposture. A écrit dans son journal, être prof me déchire. Elle déborde d'énergie, de désir d'apprendre et d'entreprendre des choses nouvelles. Se souvient de ce qu'elle a écrit à 22 ans. Si je n'ai pas accompli ma promesse à 25 ans, écrire un roman, je me suicide. Dans quelle mesure mai 68, qu'elle a l'impression d'avoir raté, trop installée déjà, est-il à l'origine de la question qui l'obsède? Serais-je plus heureuse dans une autre vie? Elle a commencé de se penser en dehors du couple et de la famille. Souvent, il lui revient des scènes de son enfance. Sa mère lui criant « Plus tard, tu nous cracheras à la figure !» Les garçons tournant en Vespa après la messe. Et elle avec sa permanente frisée comme sur la photo. Ses devoirs sur la table couverte d'une toile cirée grasse où son père fait collation. Les mots aussi reviennent, comme une langue oubliée. ses lectures, confidences et délits, les chansons de Mariano, des souvenirs de son excellence scolaire et de son infériorité sociale, l'invisible des photos. Tout ce qu'elle a enfoui comme honteux et qui devient digne d'être retrouvé, déplié à la lumière de l'intelligence. Au fur et à mesure que sa mémoire se déshumilie, l'avenir est à nouveau un champ d'action. Lutter pour le droit des femmes à avorter, contre l'injustice sociale et comprendre comment elle est devenue cette femme-là, ne fait qu'un pour elle. Elle ne se sent pas d'âge. Certainement une arrogance de jeune femme vis-à-vis des plus âgés, une condescendance pour les ménopausées. Qu'elle en devienne une est très improbable. Une prédiction qu'elle mourrait à 52 ans ne l'émeut pas. Il lui semble que c'est un âge acceptable pour mourir. Cherche une fille au soleil pour chauffer ma banlieue. Une fille aux Provence pour mes escalators. Cherche une main tendue dans la foule qui dort. Écrivez. Cherche une fille aux fleurs auprès de Saint-Germain. Une fille au bateau pour partir sur la Seine. Si vous voyez la mer au fond du RER, écrivez. J'ai laissé le soleil à l'autre bout du jour. Je n'ai plus que la nuit pour trouver mon amour. J'ai laissé le soleil à l'autre bout du jour. Je n'ai plus que la nuit pour tomber en amour. Cherche une amie peut-être au bout de ma campagne. Avec des yeux de ciel et des... On annonçait que le printemps serait chaud, puis l'automne. Il ne l'était jamais. La mode était à la légèreté, au clin d'œil. L'indignation morale ne se faisait plus. Plus que jamais, les gens rêvaient de campagne, loin de la pollution, du métro-boulot-dodo, des banlieues concentrationnaires et leurs loubards. Ils continuaient pourtant d'affluer vers les grandes villes, dans les ZUP ou les zones pavillonnaires selon leurs possibilités de choix. On partait. On s'installait dans une ville nouvelle à 40 km du périphérique. Une maison légère dans un lotissement en voie d'achèvement, coloré comme un village de vacances, avec des rues au nom de fleurs. La porte, en claquant, faisait un bruit de bungalow. C'était un endroit silencieux, à découvert sous le ciel d'Île-de-France, en bordure d'un champ traversé par un défilé de pylônes. En migrant de la province à la région parisienne, le temps s'était accéléré. Le sentiment de la durée n'était plus le même. Le soir venu, on avait l'impression de n'avoir rien fait, sinon de vagues cours à des classes énervées. Ici, Paris n'avait pas de réalité. On s'était fatigué à s'y rendre le mercredi et le dimanche avec les enfants pour leur montrer la Tour Eiffel et le musée Grévin, la Seine en bateau-mouche. Les sites historiques dont nous avions tant rêvé, enfants, qu'on découvrait si proches sur les panneaux routiers, Versailles, Chantilly, ne nous inspiraient plus de désir. Le dimanche après-midi, on restait à regarder le petit rapporteur et faire du bricolage. Au fil des semaines et des circuits recommencés, de la pratique des parkings, on sortirait de l'étrangeté. On se découvrirait avec étonnement inclus dans le cercle de cette population énorme et floue dont le grondement indistinct montant des autoroutes matin et soir semblerait nous apporter la réalité invisible et puissante. On découvrirait Paris, on localiserait les arrondissements et les rues, les stations de métro et le meilleur endroit du quai pour descendre et attraper la correspondance. On oserait enfin prendre sa voiture jusqu'à l'Étoile et la Concorde. À l'entrée du pont de Gennevilliers, devant la perspective immense de Paris s'ouvrant brusquement, on éprouverait le sentiment exaltant de faire partie de cette vie énorme et trépidante comme une promotion individuelle. On n'aurait plus envie de retourner dans ce qui était maintenant pour nous, de façon indifférenciée, la province. Et un soir, dans le train plongeant dans la nuit piquetée par les affiches lumineuses rouges et bleues de la région parisienne, la ville de Haute-Savoie qu'on avait quittée 3 ans avant paraîtrait le bout du monde. Seuls les faits montrés à la télé accédaient à la réalité. L'enregistrement hétéroclite continu du monde au fur et à mesure des jours passait par la télévision. Une nouvelle mémoire naissait. Du magma des milliers de choses virtuelles vues, oubliées et débarrassées du commentaire qui les accompagnait, surnageraient les pubs de longue durée, les figures les plus pittoresques ou abondamment prodiguées, les scènes insolites ou violentes, dans une superposition où Jean Seberg et Aldo Moro sembleraient avoir été trouvés morts dans la même voiture. La mort des intellectuels et des chanteurs semblait ajouter à la désolation de l'époque. Pour Barthes, c'était trop tôt. Celle de Sartre, nous y avions pensé, et elle était arrivée, majestueuse. 1 million de gens défilaient derrière le cercueil, et le turban de Simone de Beauvoir glissait lors de la mise en terre. Sartre, qui avait vécu le double de Camus, placé depuis longtemps à côté de Gérard Philippe, dans le même tombeau de l'hiver 59-60. Les morts de Brel et de Brassens, comme celle de Piaf autrefois, désorientaient davantage, comme s'ils avaient dû nous accompagner toute notre vie, même si on ne les écoutait plus tellement, l'un trop moral, l'autre aimablement anarchiste, qu'on préférait Renaud et Souchon. Rien à voir avec la mort risible de Claude François, électrocuté dans sa baignoire, la veille du premier tour des élections législatives perdue par la gauche quand tout le monde s'attendait à ce qu'elle les gagne, ni celle de Joe Dassin, terrassée à l'âge que nous avions presque, nous sentant si loin du printemps 75 et de la chute de Saïgon, d'un élan d'espérance auquel l'été indien était lié. À la fin des années 70, dans les repas de famille, dont la tradition se maintenait malgré la dispersion géographique des uns et des autres, la mémoire raccourcissait. L'égrènement des souvenirs de la guerre et de l'occupation s'était tari, à peine ranimé au dessert avec le champagne par les plus vieux, qu'on écoutait avec le même sourire que lorsqu'ils évoquaient Maurice Chevalier et Joséphine Baker. Le lien avec le passé s'estompait. On transmettait juste le présent. Les enfants occupaient anxieusement les discours des parents qui comparaient leur manière d'éduquer et de gérer la permissivité qu'ils n'avaient pas connue, de défendre et d'autoriser. La pilule, la boum, la cigarette, la mobilette. Interrogés prudemment sur leur distraction et leur musique préférée, les adolescents répondaient de façon docile, laconique et méfiant, sûrs qu'au fond, nous ne nous intéressions pas à leur goût, sinon comme signe de quelque chose qu'ils percevaient confusément, peut-être leur être caché, dont ils ne tenaient pas à nous instruire. Et nous, à l'orée de la décennie 80, où nous atteindrions les 40 ans, dans la douceur lasse d'une tradition accomplie, parcourant les visages de la table qui, à contre-jour, semblait noire, on était saisi fugitivement par l'étrangeté de la répétition d'un rite où l'on occupait maintenant la place du milieu entre 2 générations. Un vertige de l'immuable, comme si rien n'avait bougé dans la société. Dans le brouhaha des voix, brusquement perçues comme détachées des corps, on savait que le repas de famille était un endroit où la folie pouvait survenir et on renverserait la table en hurlant. Autour d'eux, les divorces pullulaient. Ils avaient essayé les films érotiques, l'achat de lingerie. À faire l'amour avec le même homme, les femmes avaient l'impression de redevenir vierges. L'intervalle entre les règles paraissait se raccourcir. Elles comparaient leur vie à celle des célibataires et des divorcés. Regardaient avec mélancolie une jeune routarde assise par terre devant la gare avec son sac à dos, buvant tranquillement une brique de lait. Pour tester leur aptitude à vivre sans mari, elles allaient au cinéma seules l'après-midi avec un tremblement intérieur, croyant que tout le monde savait qu'elles n'étaient pas à leur place. Elles retournaient dans le grand marché de la séduction, se découvraient de nouveau exposées aux aventures du monde dont le mariage et la maternité les avaient éloignées. Elle voulait partir en vacances sans mari ni enfant et s'apercevait que la perspective de voyager et d'être seule à l'hôtel les remplissait d'angoisse. Selon les jours, elles oscillaient entre le désir et la peur de tout quitter, de redevenir indépendante. Pour y voir clair, se donner du courage, on allait voir une femme sous influence, identification d'une femme. On lisait la femme gauchère, la femme fidèle. Avant de se décider à la séparation, il fallait des mois de nouvelles scènes conjugales et de réconciliations lasses, de conversations entre amis, d'annonces précautionneuses aux parents sur la mésentente du ménage, à eux qui avaient prévenu au moment du mariage « le divorce, ça n'existe pas chez nous ». Dans le processus de la rupture, l'inventaire des meubles et des appareils à se partager marquait le point probable de non-retour. On dressait la liste des objets accumulés en 15 ans. On se les disputait entre valeurs marchandes « ça ne vaut plus rien » et valeurs d'usage. « J'ai plus besoin que toi de la voiture ». L'inventaire ratifiait le décès du couple. Le pas suivant, c'était la consultation d'un avocat. La transformation de notre histoire en un langage juridique qui purgeait d'un seul coup la rupture de ses éléments passionnels, la faisait entrer dans la banalité et l'anonymat d'une dissolution de la communauté. On avait envie de fuir et d'en rester là, mais on pressentait qu'il était impossible de revenir en arrière. Prête à entrer dans le déchirement du divorce, la profération de menaces et d'injures, la mesquinerie, prête à vivre avec deux fois moins d'argent, prête à tout pour retrouver le désir d'un avenir. C'était Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Sixième émission. Avec Ludmila Michael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Et les voix de Yolande Folio, Philippe Bautier. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les années de Annie Ernaux est publiée aux éditions Gallimard.